Y en el Festival de Cannes, cuando estrenaba una película, encontró a la actriz griega Melina Mercouri, con la que se casará luego en 1966. Juntos ganaron Palma de Oro en Cannes y Oscar a la mejor canción, Los Niños del Pireo, cantada por Melina en 1961. Más tarde será ministra de Cultura de Grecia. Claude le escribe Le chat et la souris, el gato y el ratón. En el 71, momento en el que Jules y ella estaban exiliados en Francia por la dictadura de los coroneles griegos. Dice, el amor es un juego como el que llamamos el ratón y el gato, un juego cruel y caprichoso, pero si quieres tenerme, no estoy en el cielo, sino en mi cama. Ven, te enseñaré quién es el ratón, quién es el gato. Mi cama es profunda, si quieres jugar, te comeré. Escuchamos Le chat et la souris de Claude Lemel y cantado por Melina Mercouri en el año 1971. L'amour est un peu comme ce jeu qu'on appelle le chat et la souris. L'amour est un jeu capricieux et cruel, pas vu, pas pris. Mais si tu me veux, si tu te sens des ailes pour me trouver la nuit, baisse un peu les yeux, je ne suis plus au ciel, mais dans mon lit. Et si demain je veux tendre mes filets, je te montrerai qui je suis. Et tout au fond des draps, tu sauras qui est le chat et qui est la souris. L'amour est un peu comme ce jeu qu'on appelle le chat et la souris. L'amour est un jeu capricieux et cruel, pas vu, pas pris. Si tu es de ceux qui pour nous font du sale, les amoureux transis, passe chez tes yeux et fais la cour à celle qui se marie. Mais si tu joues à chat et si tu me plais, je te montrerai qui je suis. Et tout au fond des draps, tu sauras qui est le chat et qui est la souris. Il faut choisir de la guerre, de la paix, de l'enfer, du paradis. Attention, mon lit profond, il fait si bon, il fait si chaud, que les inconnus qui s'y sont perdus ne l'oublieront pas de sitôt. Attention, si tu veux m'aimer, si tu veux jouer, je joue pour gagner. Et je sais déjà qui sera le chat, et c'est toi qui seras mon chat. L'amour est un peu comme ce jeu qu'on appelle le chat et la souris. L'amour est un jeu capricieux et cruel, pas vu, pas pris. Mais si tu me veux, si tu te sens des ailes pour me trouver la nuit, baisse un peu les yeux, je ne suis pas au ciel, mais dans mon lit. Ainsi de là, je veux t'en défiler, je te montrerai qui je suis. Et tout au fond des draps, tu sauras qui est le chat et qui est la souris. Otra cantante griega de la canción francesa es Nana Mouskouri. Claude le escribe Il est passé, él pasó. Él venía de otra ciudad, solo le ataba su sueño de libertad, solo amaba el cielo del verano, no era de los que se someten, no era de los que prometen, pero estuvo tan cariñoso que a veces lo esperas cuando el otoño te abandona a tus nostalgias ocultas, pero solo pasó. Olvídalo. Escuchemos Il est passé, cantado por Nana Mouskouri en el año 1974. Thank you. Il venait d'une autre ville, il disait d'un air tranquille des paroles un peu folles. Sur le vent, les gens, les îles, il n'avait de port d'attache que son rêve et l'air du large, de frontières que la misère et d'amour qu'un ciel d'été. Il est passé, il n'a fait que passer, n'y pense plus, les saisons l'ont effacé. Du genre à se soumettre, pas du genre à te promettre des mariages, des mirages qu'il ne voulait pas connaître. Mais il a été si tendre qu'il t'arrive de l'attendre quand l'automne t'abandonne à des nostalgies cachées. Il est passé, il n'a fait que passer, n'y pense plus, les saisons l'ont effacé. C'est un rêve démodé. Il est passé et tu ne fais qu'y penser. Gilles Marshall era amigo de Claude et escribieron canciones mutuamente. Tuvo una carrera corta y discreta, pero con algunos éxitos de solo 14 años. Decidió retirarse de la música en el 85. Claude le escribió esta curiosa canción que vamos a escuchar, Una volée la Tour Eiffel, Han robado la Torre Eiffel. Me he frotado los ojos cuando me desperté. Había como un gran vacío en el cielo. Habían robado la Torre Eiffel. Al principio pensaba que estaba soñando. Cierto que nunca había subido en ella, pero me faltaba algo. En toda la ciudad, la policía vigilaba todos los monumentos para que no volviera a pasar. Ningún indicio del culpable. Él había volado. Todo un profesional. Escuchamos Una volée la Tour Eiffel, cantado por Gilles Marshall en el año 1974. Je me suis frotté les yeux à mon réveil. Il y avait comme un grand vide dans lequel mon paysage n'était plus pareil. On a volé la Tour Eiffel. Tout d'abord, évidemment, j'ai cru rêver. J'ai demandé à ma maman de me pincer. Mais rien à faire, c'était bien réel. On a volé la Tour Eiffel. Par la fenêtre, j'ai vu des piétons qui s'accoupaient comme des moutons sur les ponts. Souvent c'est bête, va me l'expliquer. Un seul objet vous manque et tout est dépeuplé. À vrai dire, je n'y étais jamais monté. Je passais souvent sans même la remarquer. Mais j'étais triste, qu'elle manquait la peine. On a volé la tour Eiffel. Dans tout Paname, il y avait des agents qui surveillaient Conseil-Chesnin. Il était temps. De Notre-Dame jusqu'à l'Élysée, tous les monuments qui restaient à voler. On fouillait les gens, mais on ne trouvait rien. Le coupable était sans doute déjà loin. Aucun indice des professionnels avait volé la tour Eiffel. Et malgré les primes, malgré les appels, il y a toujours un grand vide dans le ciel. Certains prétendent qu'elle s'est fait la belle. Non, on a volé la tour Eiffel. Gérard Lenormand, qui n'est ahora 74 años, pero en 1975 tenía 30 y estaba triunfando el principito de la canción francesa, como le llamaban, con título como La balade des gens heureux, que le escribió Pierre Delanoë y que escuchamos cuando le dedicamos a ese último un programa. Delanoë y Lemel eran los autores fetiches de esa época y a veces colaboraban en algunas canciones. Claude le escribió Le Funambule, l'équilibrista, canción idealista muy acorde con la personalidad de Gérard. Arriba de la gran ciudad me paseo en mi cuerda, estoy bien arriba bajo la carpa de las estrellas, encima de las guerras y del ruido de la tierra. Sé que me voy a caer, dime pájaro, ¿cómo haces para volar? Escuchemos Le Funambule, cantado por Gérard Lenormand en el año 1975. J'ai tendu des cordes de clocher à clocher, des guirlandes de fenêtre à fenêtre, des chaînes d'or, d'étoile à étoile, et je danse. Au-dessus de la grande ville, je me balade sur mon fil. Moi, funambule, promeneur du ciel. Entre l'Empire, State et Babel, j'ai tendu mon bout de ficelle. Et les oiseaux m'ont fait la courte échelle. Je suis bien là. Chapiteau des étoiles et du soleil, au-dessus des guerres, du fracas de la terre. Je me fous du temps, je me fous du vent qui bouscule mon sommeil. Tant pis si bientôt je dois tomber dehors. Tout au-dessus de la grande ville, en équilibre sur mon fil, j'ai le vertige en regardant le ciel. Je sais depuis que je suis né que je vais me casser le nez. Je sais que seuls les fous et les oiseaux ont des ailes dans le dos. Fais pour voler, toi qui sembles me parler, l'oiseau l'infiniment petit, toi le voisin du paradis. Pourquoi je pourrais pas voler, moi qui voudrais décoller, moi qui suis là cloué au sol, comme à l'aimant d'une boussole. Dis comment tu fais pour voler, oh je voudrais t'en m'évader de cette peau qui n'est plus rien, souvent qu'une peau de chagrin. Pourquoi je pourrais pas voler, moi qui voudrais décoller, moi qui suis là cloué au sol comme à l'aimant d'une boussole.

fondateur de la physiothérapie en France et de la iconique pédiatre Françoise Dolto. Pero será uno de los cantantes humorísticos más importantes y populares. Y por último, asumió sin complejos su físico, sus 110 kilos, para cantar canciones sin más pretensión que divertir. Empezó en el medio artístico siendo secretario de Sylvie Vartan durante 10 años, por lo que era íntimo amigo de Johnny Hallyday, padrino de su hijo David, por ejemplo, o de Joe Dassin, cuya inesperada muerte de un infarto comiendo le sumió en una gran tristeza. Vamos a escuchar Big Bisou, Besazo. Nuestros abuelos hacían tantos remilgos que tardaban 100 años en besarse. Es un recuerdo del pasado. Ahora nada es prohibido. Besaros en la mano, en el cuello, en el pelo, en la boca y en todos los sitios que os parezca. Escuchemos Big Bisou, cantado por Carlos en el año 77. Approchez, approchez. On va danser le big bisou. Big bisou en anglais, ça veut dire gros baiser. Quand je vous le dirai, donnez-vous un baiser moelleux à l'endroit que je vous indiquerai. Nos grands-pères et nos grands-mères faisaient tellement de manières qu'ils mettaient parfois jusqu'à 100 ans pour s'embrasser. C'est un souvenir du joli temps passé, dépassé. Hey alliez-vous au big bisou. Sur la main, style ancien, noble et tout. Attention, sur la main, embrassez-vous. Stop. Big bisou, big bisou. Juste après, de plus près, sur la joue. Attention, sur la joue, embrassez-vous. Bisous, bisous. Les parents de nos parents étaient quelquefois marrants. Ils pensaient que les bébés, ça vient en s'embrassant. C'est un souvenir du joli temps d'avant. Mais maintenant, oh on s'en fout. Bisous, plus hardi, le pipi. Attention, dans le cou, embrassez-vous. Stop. Big bisou, big bisou. Enchaîné sur le nez, en bas dessous. Attention, sur le nez, embrassez-vous. Stop. Big bisou. Grand frisson sur la bouche. Attention, sur la bouche, embrassez-vous. Encore, encore, encore, encore, encore. Émotion, grand frisson sur la bouche. Autre canción humorística es la de Alice Donna, chanson hypocalorique, canción hipocalórica. Alice Donna es sobre todo una gran compositora para, por ejemplo, Joe Dassin, Reggiani, Dalida y más que nada Serge Lama, del que fue mucho tiempo la otra cara. Ese último le animó a volver a cantar después de unos pinitos de adolescente y grabó 8 discos con algunos éxitos a partir de 1976. Esta canción es uno de ellos. Como el título indica, es una crítica a la moda de la dieta y una oda al buen comer. ¿Dónde están las bellezas, bellezas redondas y carnosas? Estamos en el régimen del régimen, el de la supresión de todo. Tenemos que suprimir el paté y el potaje, la pasta y el arroz con leche, el aperitivo, el filete y el vino, la paella, la pizza, el vodka y etcétera. Escuchemos Chanson hypocalorique cantado por Alice Donna en el año 78. Sont-elles les baigneuses qui troublaient le cœur de Renoir, les jeunesses bien pulpeuses qui rôdaient autour du chat noir? Ces beautés rondes et sublimes n'ont plus cours, nous vivons sous le régime du régime de la suppression de tout. On dit maigre comme Régine, on dit plus maigre comme un clou. Cette chanson parle les musiques hypocaloriques est faite pour vous. Faut supprimer le pâté, la potée, le potage et les pâtes au gratin, le riz au lait, le riz de veau, le risotto, le riz complet, le lolo du matin, la tarte au poire, le tartare, le homard, le pommard et la tarte tatin. Faut supprimer la purée, l'apéro, le vouvray, le chevret, chambertin. Oh, c'est beau d'être bien dans sa peau, réveillon, cotillon, Saint-Pantin. Chantons tous sur ces quelques notes, le jus de carotte et les jours sans pain. Quand ils seront des squelettes, des fantômes, des purs esprits, hommelets et femmelettes se feront peut-être encore en vie. Et l'on entendra les couples dans le cliquetis des os, se dira comme on est souple, se dira comme on est beau. Mais quand on mangeait de la soupe, on se tenait quand même plus chaud. Cette chanson sans aucun corps gras, tu la chanteras sans doute avec moi. Faut supprimer le pâté, la potée, le potage et les pâtes au gratin, le riz au lait, le riz de veau, le risotto, le riz complet, le lolo du matin, la tarte au poire, le tartare, le homard, le pommard et la tarte tatin. Faut supprimer la purée, l'apéro, le vouvray, le gevrey, chambertin. Et faut se priver de faisan, de parmesan, de ragoût, de goulash et de frites. Faut arrêter les pastèques, le rhum steak, le vin cuit, les grands crus et les cuites, les cornichons de Dijon, le bigorneau, le concarneau et le mou du matou. Faut supprimer la pistache, le pistou, les poutous, il faut supprimer tout. Et le mireton, le mouton, les croutons, la choucroute et les touffes chrétiens, la paella, la pizza, les petits pois, l'avocat, les pots de vin, la boule au pot, les tripots, les impôts, le petit rôle, le pot au feu, les potins, et le radada, le dodo, les pavins, les bonbons, les citrons, les pépins. Ah, que c'est pour être bien dans sa peau, réveillon, cotillon, serpentin. Si vous êtes toujours à la diète, au jus de chaussettes, au jus de cailloux, cette chanson, parole et musique, hypocalorique, est faite pour vous. Isabel Aubré se ha despedido del escenario el año pasado a los 80. Dijo que solo había sido una pequeña obrera de la canción y lo había sido en la vida real. Era de una familia de 11 hijos de unos obreros del norte de Francia. Se mantuvo discreta durante una carrera de 57 años y numerosos discos. Ganó el concurso de Eurovisión para Francia en el 1962 con Premier Amour. Y sobre todo, pues era muy amiga de Jacques Brel, de Jean Ferrat, que cantó, así como los más grandes poetas franceses. Brel, por cierto, la llamaba mi hermanita y le dio los derechos de su canción Fanette después de que ella tuvo un terrible accidente de coche. Cada vez que me despierto a tu lado, que el sol nuevo de ti me hace regalo, me doy cuenta que el tiempo puede pasar, que amo más fuerte que antes, amo dos veces más que cuando tenía 20 años. Pueden arrancarse hojas a mi calendario, mas van mis días, mas late mi corazón, y más mi vida desafía el tiempo. Escuchemos deux fois plus qu'à 20 ans, dos veces más que cuando tenía 20 años, cantado por Isabel Aubray en el año 81. Premier pas timide sous le vent, baiser humide et décevant, le goût amer des nuits d'automne. Maladresse des gestes et des mots, l'adresse d'un garçon très beau qu'on perd toujours un jour d'automne. Comme elles sont légères les amours des premiers jeux, des premiers jours, même quand le cœur est lourd qu'il crève. Si légère que parfois je rêve à mes passions de bonne élève, mais quand vient le petit jour, à chaque fois que je m'éveille près de toi, que le soleil nouveau me fait cadeau de toi, je m'aperçois qu'il peut passer le temps, que j'aime bien plus fort qu'avant. J'aime aujourd'hui deux fois plus qu'à 20 ans. Il peut couler le sable dans le sablier et s'arracher les pages à mon calendrier. Plus vont mes jours et plus j'ai le cœur battant, et plus ma vie défie le temps. J'aime aujourd'hui deux fois plus qu'à 20 ans. Je les vois passer main dans la main, prenant la rue pour un chemin, un banc pour une caravelle. Il arrive que je les envie, ces rescapés du paradis. Il est si jeune, elle est si belle. Elles sont légères, leurs amours, dentelles, satin et velours. Et qu'est-ce que le blue jean y change? Quelquefois je fais le rêve étrange d'aller jouer avec ces anges. Mais quand vient le petit jour, à chaque fois que je m'éveille auprès de toi, que le soleil nouveau me fait cadeau de toi, je m'aperçois qu'il peut passer le temps, que j'aime bien plus fort qu'avant. J'aime aujourd'hui deux fois plus qu'à 20 ans. Il peut couler le sable dans le sablier et s'arracher les pages à mon calendrier. Plus vont mes jours et plus j'ai le cœur battant, et plus ma vie défie le temps. J'aime aujourd'hui deux fois plus qu'à 20 ans. Chaque fois que je m'éveille près de toi, que le soleil nouveau me fait cadeau de toi, plus vont mes jours et plus j'ai le cœur battant, et plus ma vie défie le temps. J'aime aujourd'hui deux fois plus qu'à 20 ans. En el abanico de sus intérpretes encontramos al incomparable Sacha Distel. Sacha Distel tiene también un padre ruso judío de la ciudad de Odessa como Joe Dassin, cuyo apellido, Dassin, es una ocurrencia de un policía americano que solo entendió Odessa. Su madre es la hermana de Ray Ventura, quien su gran orquesta alegró Francia durante décadas con sus canciones humorísticas que seguimos recordando. Sacha empieza en la música en la orquesta de su tío, donde coincide, por cierto, con Henri Salvador. Después, en solitario, hará una brillante carrera de guitarrista de jazz, tocando con los más grandes, y acabará cantando en solitario. Se le recuerda en Francia porque murió en el 2004 a los 70 años como el galán de la canción por su aspecto de playboy y sus relaciones sentimentales con otras cantantes como Juliette Gréco o Brigitte Bardot, con quien por cierto cantó a dúo. Vamos a escuchar Ma Femme, mi mujer. No está de moda decir estas dos palabras cariñosas, mi mujer, es mi cariño, mi pasión, mi riqueza, mi razón, mi locura. Me ocurrió un día olvidarla, supongo bien, olvidar hablar de ello. Nunca con ella me aburrí, cuando estoy solo es mi nostalgia, mi mujer, mi mujer. Escuchemos Ma Femme, cantado por Sacha Distel en el año 82. C'est pas dans le vent, c'est une drôle d'idée. Dire comme ça tendrement de mots démodés. Ma femme, ma femme. Mais sans fleurs, sans discours et sans la mairie. Pour le cœur, c'est chaque jour que l'on se marie. Ma femme, ma femme. D'avoir cherché quelqu'un et d'en respirer toujours le parfum. Ma femme, ma femme. Depuis des années, elle porte mon nom. Ma vie chaque année porte son prénom. Ma femme, ma femme. C'est ma tendresse, ma passion, ma richesse, ma raison, ma folie, l'horizon de mon pays, ma chanson, les choses de la vie et le temps partagé. N'ont fait jour et nuit de nous rapprocher. S'il m'est arrivé un soir de l'oublier, elle a très bien su oublier d'en parler. Ma femme, ma femme. Jamais auprès d'elle je n'ai connu l'ennui. Et quand je suis seul, elle est ma nostalgie. Ma femme, ma femme. C'est ma tendresse, ma passion, ma vie. Ma raison, ma folie, l'horizon de mon pays, ma chanson, les jours difficiles ne nous ont pas manqué. On a toute la vie pour les effacer. Ma passion, ma richesse, ma raison, ma folie. Continuamos con Gilbert Bécaud, que ya no necesita presentación. Y vamos a escuchar Désiré, el nombre de la protagonista de la canción. Te pareces a la música que bailas, eres violencia, cadencia y decadencia. Désiré, oh Désiré, en el corazón tienes el spleen de tu generación. Tienes el cuerpo en vaquero y los sueños en falda. Llevas muy bien tu nombre, ocultas tu miedo detrás de tu risa. Sí, eres guapa como el deseo. ¿Cómo te amaría si supieras llorar? Escuchemos Désiré, cantado por Gilbert Bécaud en el año 1985. Tu ressembles à la musique que tu danses. Tu es violence, cadence et décadence. Robot, rebelle, madone des décibels. De grands yeux métal, comme un ciel sans étoiles. De scotch, un rock, on parle, on rit, on danse. Super gadget de discothèque. Qui danse, danse, désiré, désiré, oh désiré, dans le cœur t'as l'esprit de ta génération. Désiré, oh désiré, t'as le corps en bougie et les rêves en jupon. Et les rêves en jupon. Appartement, une petite kitchenette et un balcon, poster de Jane Fonda sur le mur, des poupées sur le lit. Je n'ai rien demandé, tu m'apportes un whisky. Tu pars, tu reviens, baignoire de bain romantique. On fait l'amour trop tôt, pas bien. Tu as l'angoisse de tout, de toi, de l'avenir. Tu caches ta peur derrière ton rire. Oui, tu es belle comme le désir, désiré. Comme je t'aimerais si tu savais pleurer. Désiré, oh désiré, t'as le corps en jean et des rêves en jupon. Et des rêves en jupon. Désiré, tu portes bien ton nom. Désiré. Como es obvio, no vamos a poder escuchar a todos los intérpretes que cantaron canciones de Claude Lemel, como por ejemplo Sardou o Johnny Hallyday. Terminaremos con una canción escrita para Michel Fugain, una canción muy optimista. 2000 años y un año hacemos el balance. Es demoledor. Bueno, son siempre los 2000 primeros años lo peor. Es quizás la última oportunidad. Ya no podemos fallar. Tiramos las armas y la plata y en cualquier sitio y con cualquiera hagamos el amor. bostezamos y saboreamos ese mundo nuevo y el sol que ha salido. Quería dedicar ese programa a mi amigo y vecino Fernando Mancilla. Fernando, te fuiste demasiado temprano. Fueron 2 décadas de vecindad puerta con puerta y mucho momento de complicidad. Y bueno, pues nada, descanses. Escuchemos 2000 ans et un jour, cantado por Michel Fugain en el año 1998. Se miner, se faire de pile, car pour les années, paraît-il, ce sont toujours les premières 2000 les plus difficiles. 2000 ans et 2 jours, on rase les cons et les tours, on voit mieux les gens. Say